préparer. On continue avec les chicanes. Laissez-vous emporter par le son rétro de Galaxy, le live des chicanes enregistré en 99 à Ibiza au Palladium. Galaxy plays all the hits all the time. Galaxy, Sound System, ainsi s'achève notre trilogie, ainsi s'achève également le live des Chicanes enregistré en 99 au Palladium dans le cadre des Retro Live Galaxy que tu retrouves tous les mercredis avec l'ami Guillaume entre 20h et 21h. On s'est bien marré pendant ces 3 jours en début d'après-midi, c'était vraiment sympa de se passer d'excellents morceaux. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ces émissions, j'espère que vous en avez pris autant à les écouter et à partager des émotions, notamment aussi sur internet à travers le site web de l'émission sound-mix.fr, soundsystem-mix.fr. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous à samedi. Merci à tous de votre fidélité. C'est vrai qu'on a passé vraiment 3 jours super sympas ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont téléphoné dans le studio 03 20 83 57 57 ou qui m'ont envoyé des petits messages sympas sur internet. Je vous donne rendez-vous donc samedi matin pour un autre Sound System entre 10h et midi. D'ici là, passez d'excellents moments à l'écoute de la radio. Ne vous trompez pas de radio, place tout de suite à RVU, Remember of Past, à samedi, ciao. Galaxy, out of time, out of time.

my friends in heaven. And if there's no heaven, they must be somewhere else. Thank you.

sky at such a height. Smashing down a laughing clown. Don't tell me I'm looking well, but the truth will never tell. Cut me down, let me sleep, cause I never, never can. eat 'em up, eat 'em up, eat 'em up, eat 'em up, eat 'em up. Oh, crazy colours and things all over. There's been a ring around, and everyone was holding hands and singing. It was an old song. She's like a mountain, and life is dear, leaving home to be there. And the rain came down, pouring down on the cold ground, and it was all on the television. What to do about it all? 30,000 women. She's like a mountain. She's like a mountain, and it won't disappear. And it won't disappear. They told lies on the television, and the paper said treason. 30,000 women, she's like a mountain.